Allô, allô, allô, bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast coquin, la seule radio poubelle homosexuelle de Go. C'est nous autres, ça. C'est nous autres, ça. C'est tellement nous autres que c'est aussi moi. C'est toi. Et Zoubou, ma fou. Moi, c'est Jess PBM. Ouais. Je pense que juste le fait d'avoir chanté la tune de Zoubou, ma fou, ça va en être ça. En pleine variole du singe, pas vrai. En pleine variole du singe. Wow! Deux en deux! Premier épisode, deuxième épisode, All the famous monkeys, we're gonna sexualize them! Est-ce qu'on a un épisode d'éducation sur la variole du singe à prévu cette saison? Non! On a des jokes là-dessus, par exemple. Ouais, bah, c'est ça. Vous êtes qui, vous? Moi, je suis... Ben, moi, êtes-vous quelqu'un? Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charles. Je vais pas déclencher une crise d'identité. Non. T'es-tu quelqu'un? Je suis quelqu'un, moi, oui, Chris. Je sais pas, mais j'ai mis un effet. Un effet sonore. Oh non, elle a mis un effet. Yeah, j'ai mis un effet. J'ai mis un effet. Oh. Yes, là, ça applaudit. Asti, c'est le fun. Pour vrai, depuis qu'on est produit par Pivot, Asti, ça arrête. Les plus. Moyens mais qu'on ça, a. Mais on a quatre effets à disposition quand on veut. Je vous laisse découvrir les deux autres tantôt. Hey, je sais pas quand oui, mais... Non, on en garde pour plus tard. Hey, sacrement. Oh. Que... Charlie Morin. Oui, Charlie Morin et. Pianiste. Oui. Puis, c'est ça. C'est ça. Puis c'est ça. C'est ça qui est ça. Excusez-moi, moi, donnez-moi quatre effets. Puis on l'a perdu. On l'a perdu. C'est quoi ta joke, là? Charlie Morin, puis je. C'est ça, là. Okay. Je veux dire, je suis responsable des effets spéciaux. Parfait. OK, c'est excellent. Moi, Charlie Morin, responsable des effets spéciaux. Absolument là-dessus. Fait que comment ça va? Ça va mal, comme ça d'habitude. Mal. Juste comme. Oui. Il n'y aura jamais assez d'effets spéciaux pour masquer la douleur de vivre. Ça, par contre. Puis, pour vrai, à un moment donné, je me suis. Je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit, ça va pas. Ça va pas, là. C'est pas grave. Ça va pas, là. Ouais. Dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Pour un podcast. C'est ça. Voilà. Fait que. Alors, on est ici, on oublie la douleur de vivre. Aujourd'hui, de quoi on parle? Aujourd'hui. OK. Aujourd'hui, c'est Bear Back to the Future. Oh mon Dieu. Enlève ça de là. Papa Pivot, enlève ça de là. Je peux plus jamais mettre à côté de Papa Pivot, genre. Papa Pivot, enlève ça de là. OK. Excuse-moi. La prochaine fois, je rentre mon crayon dans ta main, OK? Je me tiens prête. OK. Aujourd'hui, c'est Bear Back to the Future. C'est ça, ça, c'est notre excellent joke. On se transforme en podcast d'actualité le temps d'un épisode pour couvrir les hauts faits médiatiques dont on n'a pas pu se parler parce que Jess hibernait. Et que j'étais à Buenos Aires, en Argentine. Oui. Oui. Je me suis rendu compte que je voulais tellement, parce que là, pour les gens qui nous écoutent, on les écrit, nos astuces d'intro. Puis j'ai écrit en Argentine, je voulais écrire au Brésil, puis continuer la joke de dire tout le temps la mauvaise place. Oui. Oui. Puis j'ai manqué pour mon affaire. Oui. Voilà. Jess a dit une fois que j'étais au Brésil, j'étais comme non, c'est l'Argentine, puis depuis ce temps-là, il a fait en ouin. Brésil. Il a dit intentionnellement le Brésil pendant genre des mois. Pour une raison complètement obscure d'ailleurs. Alors, cette semaine, c'est le jour de l'an des campeuses, parce qu'on vous fait notre bye-bye en septembre. Juste parce qu'on peut. Est-ce on n'était pas là. On n'était pas on là. On veut en parler. On a des opinions importantes sur l'état du monde et ouais. On veut les partager hey, aujourd'hui. Sur des enjeux dont vous n'avez jamais entendu parler puis dont vous n'êtes pas tanné d'entendre parler d'eux. Pour vous donner une idée, là, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ouais. La dernière grosse nouvelle quand on s'est quitté, c'était l'hostie voyage d'influenceur, là, le party. Dans sur un avion de Sunwing. Puis là, ils sont restés coincés dans le sud parce qu'il n'y a aucun avion qui voulait les reprendre. Ouais, ouais. Fait que ça fait ce temps-là qu'on ne s'est pas parlé, tout le monde. Ouais. Ouais. Moi, je... Ça fait mal, hein? Moi, dans le fond, moi, je travaille pour un réseau international de lutte contre le VIH. Puis il y a des membres partout dans le monde. Pour les gens qui viennent de joindre à nous. Il y a pas de gens qui viennent de joindre à nous. Puis il y a un membre à Buenos Aires. Puis moi, j'étais comme, hey, moi, y aller. Puis oui. Le moment, la semaine avant que j'étais pour partir, tu sais, j'étais comme, on était comme, hey, Omicron, ça s'en vient toute cette affaire-là, on sait pas. En tout cas, bye. Je suis parti. Une semaine après, tout fermé. Après, c'est l'affaire des influenceurs. Puis j'étais comme, oh, the girls are spiraling. Oui. Là. The oui. Girls are not OK. Là. Puis moi, c'était l'été. Là. Oui. C'était le fun. Au Brésil. Oui. Oh. Absolument. C'est ça. Oh. Alors, on va commencer avec des nouvelles canadiennes et québécoises parce qu'on les aime, nos terres volées. Ben, c'est ça. Tant nous autres, ces terres volées-là, c'est absolument. Après ça, on va être des expertes de nouvelles internationales. Ouais. Journalistes. D'enquête. Femmes du peuple. Du peuple. Pour les fans de Cache-Tonté, c'est une référence. Pour les autres, allez chier. Les autres manger de la merde. Et dernière section, notre very own section du sac de chips où on y va avec nos faits divers favoris de la dernière année. Yes. De la dernière, ça fait même pas un an qu'on est parti. Oui, ça fait un an qu'on est parti. Mais non, ça fait un an qu'on a commencé la dernière saison, mais ça fait pas un an qu'on est parti. Là, s'il y a quelqu'un qui se réveille dans un coma d'un an, DM-nous. C'est là, c'est parce le temps. Parce que c'est votre épisode. C'est votre épisode, c'est le recap. Ouais, c'est le recap. Voilà. On est là pour vous autres. Moi, je suis la dernière chose que je souhaite à quelqu'un en sortant d'un coma, mais c'est ça. Oh my God. Je vais laisser ça là-dessus sur la glace. Oh my God. Ça fait qu'on va aller boire notre café en épluchant les archives du Journal de Montréal, ce qui est à peu près l'équivalent de rembobiner du papier de toilette usagé, puis on vous revient over-caféiné. Wow! C'était vraiment comme être un saumon qui remonte le courant d'une fosse septique. Plus jamais les archives de Québécois. Yark, pour vrai. Hey, les choses que j'ai fait pour ce podcast. Oui. Lire Éric Duhem. Oui. Les archives de Montréal. Oui. Hey! T'en prenais une qui lisait le livre d'Éric Duhem parce que ça allait clairement pas être moi. Hey, la semaine passée, je me demandais c'était quoi mes grands sacrifices pour la gauche militante. Voilà. Oui, non, mais je... C'est fait, c'est réglé. Vous avez donné. C'est le... réglé. Non, mais... C'est réglé. Oui. Voilà. Comme a dit Jésus avant de mourir, mettez un autre clou avant que je glisse. Alors. Tu veux juste make this shit up? Qu'est-ce qui se passe? Oh my God! Oh my God! J'ai hâte que Jess découvre combien d'effets j'ai acheté. Hostie, je suis plus calme. Bon, ça va être ingérable comme épisode. Moi, je suis à côté de la console, je suis à côté, hostie. Maille. Alors, Moon du pays, c'est notre tour. Ouais. On commence avec ce qui s'est passé dans nos belles colonies. Moon du pays, c'est votre tour. Moon du pays, c'est notre tour. Oui. Fermez vos yeux puis écoutez, c'est un podcast. Je l'écris intentionnellement comme ça. C'est pas votre tour, c'est au mien. C'est moi qui parle. Bon. C'est moi qui parle. Il n'y a pas de bâton de la parole, est-ce-tu? OK. OK, dans la grosse liste de nouvelles qu'on a. Ouais. Je vais parler un petit peu plus longtemps pour que tu aies le temps de regarder et faire un choix. OK, toi, t'es parti, t'es craqué. C'est quoi ton choix cette année? Ah, mon choix? Oui, mettons la première nouvelle. Non, OK, j'avais pas fait un choix. Moi, j'avais le plan devant moi puis je te prends en présenter une, mais là, c'est pour j'en choisis une. Non, pas la première. OK. Lance-toi. Ben, pour vrai, on a regagné les chutes. Apparemment. Ben, on a juste menacé de louer des bus. Apparemment. Puis ils se sont dit, OK, on enlève la guérison. C'est vraiment la seule chose qu'on a faite parce que les groupes de défense des chutes nous ont écrit tout l'été pendant qu'on était en vacances. Puis on n'a comme pas vraiment répondu. T'as envoyé deux courriels, là, ça va. Là, c'est correct. J'ai pas répondu. Oui, complexe de performance. Mais. Mais on a gagné les chutes. Mais regarde, on n'a rien eu à faire, puis on a gagné. On va quand même louer un autobus un matin. On fait tout ça. Ah, là, trop tard, l'été est fini. Ouais. Là, c'est ça. Ah! De toute manière, on m'a organisé un camp de jour, là, puis tout. Ils m'ont eu. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que l'été était fini déjà. Non. Les gens, le négativisme a gagné. Non, mais au moins, eux autres, ils savent pas qu'on enregistre des épisodes back-à-back, mais eux autres, ils pensent que c'est une semaine plus tard. Fait que oui. Tu sais, ils pensent pas que tu t'es vraiment reviré sur un dizaine à dire dans la même journée que l'été était pas fini puis que l'été était fini. Je viens de leur vendre la mèche, là. Ben voilà. Lâche les effets pour l'amour. Tiens, par la Mac. Alors, on a regagné les chutes parlant de à quel point qu'on est menaçante et efficace. Là, par exemple, on va leur donner du crédit à bien du monde, mais la loi 2, ouais. En fait, elle vient spéciale là-dessus la saison passée, la loi 2, parce que là, ça s'en allait sur le mauvais bord en tabarnak. On n'espère plus avoir de spéciale loi transphobe. On aimerait ça éviter. C'est oui. Ça. Oui. Juste notre planning de saison est oui. Fait. On a vraiment manqué une occasion de commencer par nous interrompons notre programme. Non. On aurait pu faire une grosse mise en scène. Ben, je veux dire, je peux repartir un jingle. Oui, parle-nous un jingle. Nous interrompons notre programme. T'es arrivé juste à temps! Parce que, à noter que Jess n'a pas ses écouteurs, il n'entend pas les effets. Il y a vraiment juste, c'est entre vous autres puis moi. J'ai ça dans le sang, la gang. Moi, j'ai c'est le timing. Entre vous autres et moi, là. Oh my God. Fait que, je parlais du Québec. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça, la loi 2, ça a chié. Ça, Simon Jolin Barrette est sorti de nos bobettes. Ouais. Merci, Evil Twink, de crisser ton cœur dedans mes culottes. Après beaucoup de travail, beaucoup de stress, là. Hey, ça... la communauté s'est mobilisée. Oh, wow. Ouais, ça a parti de tout bord, de côté. Il y a du monde. Si, c'est qui que je partageais tout le temps? Judith. Ouais. Qui nous a popé du matériel. Là, si je partageais ça, moi j'avais rien à faire sur deux fiches, je faisais juste share ses publications. Yes. Merci tout le monde. Yes. Thanks God. C'était stressant pour tout le monde, ça là. On va-tu être obligé de dire aux gens qu'est-ce qu'on a dans nos bobettes tout le temps, là, voyons, Galis? Non, mais aussi, c'était juste tellement la pire des idées. C'est pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros. Résumé des événements. En gros, ils voulaient comme ajouter une mention, c'est comme une espèce de mention de genre assignée à la naissance, mais une mention de genre. Oui. C'est juste que ça dévoile de facto. Pas mal. Qui est soit intersexe, genre qui a fait une transition qui en a pas fait. Ouais. Ce qui est catastrophique parce qu'on sait que ce qui vulnérabilise des personnes trans, c'est de les forcer à faire des coming out. Oui. Dans plein de contextes où ils n'ont pas besoin d'en faire. Puis, la CAQ disait que eux autres, ils pensaient bien faire, mais tu sais, clairement, ils n'ont pas des bons conseillers sur les enjeux LGBT. Non. Ils ont juste Evil Twin, Jolin Barrette. Ouais, non, c'est ça. Ça va pas bien, la CAQ. Moi, je veux juste dire que ce narratif-là appartient à Jess et Hugues Lefebvre-Moras. Moi, je n'appuie pas le fait que Jolin Barrette est un closeted Evil Twin. Je refuse cette théorie. Je le veux pas dans ma gang. Okay. Pour ceux qui sont... Je le veux pas dans notre gang non plus, mais tu sais, je veux dire, on a Caitlyn Jenner, là, on a du monde de même. Là, justement, c'est bien assez. Oui, mais le caseload est plein. Là, on veut pas Jolin Barrette, voyons. Ceux qui veulent se renseigner un peu plus sur le concept du Evil Twink, écoutez le podcast Bad Gaze qui est excellent, c'est sur des figures historiques LGBT, evil, puis justement pour nuancer l'espèce d'histoire gay que moi normalement quelqu'un est gay, on est comme yes he was gay, great, mais genre là on fait comme ceux qui étaient fucked up pas fin aussi, fait que c'est nice. Moi dans la catégorie canado-québécoise, je me suis noté le fucking retour de Jean Charest. Comme what a time to be alive. What a time to be again. Puis moi, je suis juste comme bitch. Third time. Je sais, là. Puis là, tu sais, il fait comme. Tu peux drainer tout le cash du monde de genre, tout le. Genre, le plan Nord, puis les mines pour que t'as fait pour saccager l'environnement à toi tout seul. Tu pourrais. T'es riche. T'as comme. T'imagines un plan Nord à l'échelle canadienne. Mais non, mais y a pas besoin. C'est ça l'affaire. You could mind your fucking business. Genre, t'as pas besoin de revenir. T'es assez riche, là. Ah, mais oui, c'est ça. Il est sorti de son cabinet d'avocat juste pour devenir premier ministre. Mais là, tu sais, c'est ça qui est le plus dégueulasse là-dedans, Calis. C'est que là, on a le goût qu'il gagne. Parce que sinon, c'est Pierre Poilievre. Qui est genre ouvertement extrémiste dans sa droite. Là. Lui, il veut gérer le Canada en bitcoins. Puis, I'm not lying, là. C'est ça le programme, là. Il veut fermer la Banque centrale. Bon. Moi, je veux la brûler. Deux approches. Mais... Est-ce que tu penses que la vie va nous donner le storyline GND versus Jean Charest? Ben, c'est là où je m'en allais. Est-ce que tu penses que ça va... Que ça soit ça. Parce que moi, je suis juste comme... Si Gab Nadeau est premier ministre du Québec puis Jean Charest est premier ministre du Canada, je deviens souverainiste puis je pars un mouvement. Mais, là. Mais pour vrai... Instantanément. Si c'était les producers de Drag Race qui géraient... C'est pas Alyssa Edwards et Coco Montreal. La politique là. Canadienne, je veux dire, il y a un storyline à exploiter. Sous-plan. Hey! Sous-plan, que ça arrive, que... quelqu'un, le face-off de l'histoire canadienne. Oh là. My god. 2012 all over again, mais Canada wide. Ouais. Ben non, c'est vrai que Gabriel Nadeau, son influence, ça comme s'arrête au Québec, mais. Ouais. Mais en tout ça cas. Ça t'indirait Montréal. En tout cas, j'espère que Léo Bureau-Blouin va se faire élire à Québec. Fait oui! Que... Il pourrait se présenter pour QS. Comme, non, mais juste comme maire de Québec, tu sais. Juste quelque chose de pas... Ah, de pas oui. Comme, c'est ça. Ça serait vraiment bon. Ça serait juste pour qu'il soit encore comme sidekick oui. un peu... Quel rôle on veut donner à Martine? Martine Jardin. Martine Desjardins. C'était ça son nom, Martine Desjardins? OK, j'ai juste compris. Ouais. Martine Jardin. Ouais, c'est un qu'on a des recherches. Puis là, j'étais comme... on y en a enlevé combien, des jardins, Calis? Elle est rendue avec un jardin, Martine. C'est ça, là, tu sais. Je sais pas quel rôle j'y donne, moi. Ben, chef du PQ. Chef du PQ. Parfait. Pour vrai, rentre passez-vous à patate chaude, la gang. J'haïs ça, les commentaires électoraux, mais tu peux-tu croire qu'on va peut-être assister à la mort définitive du PQ, genre non, cette moi, année. À chaque fois, j'y crois. Cette année. À chaque fois, j'y crois qu'ils vont mourir les calices, puis ils meurent jamais. Non. Fait que là vous écoutez ça dans le futur. Là. Les élections sont déjà passées, fait que c'est pour ça qu'on les couvre pas. Oui. Sont-ils déjà passées, c'est quelle date, les élections? En octobre, là. Ah, vas-tu finir? 3 octobre. 3 octobre, notre recherchiste Papa Pivot nous indique. Papa Pivot a des informations. C'est le fun parce que quand on se pose des questions à voix haute, il y a Papa Pivot à côté qui peut nous en trouver. Oui, t'sais, oui. Fait qu'on est bien contents de ça. Un autre effet. OK, là, avant, l'autre affaire, c'est trop bon, je vais commencer par un sujet plate, qui est Canado-Québécois, le prochain aussi. Le convoi de la liberté. Et ça, c'était un moment. Tout comme le 6 janvier aux États-Unis, là, quand son jump-in sur le whatever, j'étais comme ça, là, c'est supposé être notre job à gauche. Saisir le Parlement, genre, par le peuple. Non, je sais. Occuper le centre-ville c'était-tu la capitale? Ottawa. C'était la capitale, à Ottawa. Ottawa, oui. Que ça se prononce. Oui, oui, Ottawa. J'étais comme... Premièrement, ça, c'est la job de la gauche. Puis là, deuxièmement, après ça, j'étais comme... C'est vraiment difficile à condamner sans condamner la gauche. À cause de la méthode. Une manifestation, c'est une manifestation. Oui, non, mais les gens invalidaient full comme les moyens de pression. Puis j'étais comme, ben non, en fait, vous attaquez aux idées. Parce que là, c'est autres, on veut. C'est là que je trouve que le champ de bataille se trouvait. Puis le monde a manqué ça un peu. Et c'était quand même déprimant parce que le truc, c'est que c'est vrai qu'on a de la difficulté à construire des réponses cohérentes à la droite incohérente. Oui. Puis... Oui, parce que surtout ces mouvements-là étaient motivés par des choses absolument pas cohérentes. Là. Mais, OK, je trouve. Moi, pour vrai, la motivation, moi, je suis capable d'avoir une certaine forme d'empathie pour ça, parce que je trouve que la gauche, on est vraiment trop dans l'austérité, l'autoflagellation, sur le fait que... Mais tu sais, pour vrai, le monde était tanné des mesures sanitaires, je comprends. Et je dis ça pendant que j'étais tête out under the sun en Argentine, là, mais je veux dire comme... Brésil. Excuse-moi, c'est vrai au Brésil. T'es conne. Non, il n'y a pas un Brésil en Venise, genre quelque part en Québec, ou je sais pas comment ici. Where are we going with that? Mais en non, mer, mais sur le lac. Mais je non, mais tout pas. Ça pour dire que moi, je comprends. C'est Venise en Québec. Je trouve que la réponse, c'était beaucoup comme vous êtes fucking privilégié, puis genre, c'est pas vrai que c'est une atteinte à vos libertés, puis genre, vous chialez pour rien. Puis je pense que ça adressait pas le problème fondamental de. Mais c'est vrai que, tu sais, même les gens à gauche, même les gens qui comprenaient, qui trouvaient que c'était important de respecter les mesures sanitaires pour faire attention à la santé des autres, même si c'est clairement des échecs systémiques qui ont entraîné plein de dérapages de. Moi, c'est juste que dès le moment. Pandémique, mais c'est ça, là, je voulais aller avec ça, c'est que. À pas être capable de répondre à cette motivation-là profonde, ça faisait juste comme une espèce de dismiss qui les confortait dans leur position aussi, tu sais. Oui. Puis je trouvais que, Chris, qu'on est mauvais aussi pour se dire que, non, mais comme, we're going through it, là. Je comprends que, genre, Ellen DeGeneres, dans son esti de gros manoir à LA qui fond en larmes, tu sais, elle aussi, son cerveau est limité par ce qu'elle connaît et son environnement, puis c'est un peu ridicule de l'avoir comme ça, mais ce qu'elle vit, c'est vrai, puis ce qu'on vit, nous autres aussi, comme personnes privilégiées qui sont isolées, qui se sentent, tu sais, c'est vrai aussi, puis ce qu'ils vivent, tu sais, comme... Moi, c'est pas invalide. C'était pas invalide, puis c'est vrai que quand tu vois toutes les systemic failures des systèmes de santé qui ont été coupés par des gouvernements austères et tout, tu sais, à un moment donné, je comprends que la réponse, c'est pas « OK, ben on va tout déréglementer, puis fuck that, puis on va faire comme si ça existait pas », ce que finalement, on a fait. Oui, c'est ça, c'est pas vrai. Mais c'est ça, on était tous comme « Wow, c'est ben dommage scandaleux », mais une fois que les gouvernements se sont mis à le dire, puis que ça a été l'été, c'était plus grave, on était comme « Bon, ben c'est okay, ça, la pandémie en a un claquement de doigts. » Puis moi, personnellement, encore la gauche austère, autoflagelle, qui sont comme « Je peux pas croire qu'on fait comme s'il y avait plus personne qui mourrait, puis que ça existait plus », je suis comme « Mama, moi, on m'a dit plus de masse. » M'a pas. Mais non, mais c'est vrai, Chris, là. C'est-à-dire que s'il y a du monde qui veulent continuer d'en mettre, qui se sentent plus comme en sécurité comme ça. Mais moi, pour vrai, c'est vrai qu'à terme, ça fait vraiment assez longtemps. Puis là, la norme sociale a changé. On a plus comme un espèce de réflexe de le faire collectivement. On s'est dit, ben, gars. Puis moi, pour vrai, je vais pas être la personne qui va virtue signal en tout lieu. Que moi, j'aime un masque. Que moi, c'est plus ça. Je suis comme, ben non, j'appongerai la petite COVID. C'est là. Sûr que, tu sais. Je veux vivre un moment donné, là. C'est vraiment une grosse charge de travail d'essayer de ramener la pandémie à l'avant-plan. Hey, là, c'est tout ça. Ça arrive. Là. Après ça, moi, je suis vraiment pas sûr qu'en matière de santé publique, je m'aligne à ce que le gouvernement me dit. Là, ça, c'est très clair. Ouais, genre, mais en même on temps, m'a dit, je porte plus un masque. J'étais comme, je l'ai porté pendant longtemps par après. J'étais comme, tu peux pas me dire ce que tu veux, Colis. La dernière fois, t'as essayé de gérer des pandémies, ça a chié solide. Non, effectivement. Mais... Fait que c'est ça. T'sais, j'étais comme, bon, je sais pas, mais là, après ça, c'est sûr qu'effectivement, il y a un mouvement de masse. Oui, c'est ça, tu sais. Juste ça, je peux pas le nier. Ah oui, tu sais, puis tu le vois quand t'es la seule personne seule, parce que c'est vrai qu'un masque, mais là, tu vois plus la face. Tu sais, puis sans dire que le masque, c'est l'oppression, là, on s'entend, là, ça va. C'est comme. Mais moi, tu sais, autant c'est ridicule les gens qui disent le masque, c'est l'oppression. Je suis comme, oui, mais comme, they've got some point. Là, maintenant qu'on est plus habitué, j'en remets un pendant 2 secondes, puis je suis comme, c'est donc bien inconfortable. Tu sais, genre. Ben, il y a ça, mais tu sais, il y a aussi le fait que je trouve que c'est quand même une micro-situation de à peu près tous les problèmes politiques, genre, ben, c'est en version vraiment plus grosse et plus dramatique. Là, la pandémie, c'était vraiment. Mondial et. Hey, vous devez être content qu'on vous ramène là. Ah, hein? Quand on même, pas mais assez non, parlé, ben, Chris, là. On n'a pas eu le temps d'en parler assez. Yes. Hein? Mais anyway, pour faire une histoire courte, c'est ça. C'est que, genre. Mon Dieu, déjà. Fuck la pandémie. Putain, je voulais faire une histoire courte. Fuck la pandémie. Je suis plus capable. Je ne sais même pas pourquoi on est rendu là-dessus. C'est de ma faute. En rafale, l'anneau géant de Montréal, l'anneau de ciment, là. Pour vrai, moi, je suis tombé là-dessus des nouvelles. J'étais comme, oui, c'est vrai. C'est un anneau à quoi 20 millions? C'est sûr que c'était drôle. Ça a coûté cher. Ceci étant dit, J'avoue que... C'est-à-dire que la ville là, dépense tellement en police... oui. En truc fucking pas utile, tu sais, pour. Moi, le mettez dans un gros crise d'anneau. Mais non, mais c'est de l'or, genre, c'est le fun. Moi, j'aime ça qu'il y ait un gros crise de rond, genre, qui flotte. C'est quand même nice, c'est quirky. Je suis pas assez anti-civilisation, genre. J'aime ça l'art public, moi aussi. Après ça, moi, ce que je me demande surtout, c'est. C'est la personne qui charge, en fait, que j'ai le goût de blâmer, pas la personne qui paye. Pour qui tu te prends en calice penser que ton anneau de béton, il faut 20 millions, sacrement? Ben, tu sais, je sais pas, là. Pour moi qui fait le 20 millions! Pour moi qui fait le pricing de ces affaires-là, tu sais. Mais j'aime mieux mettre 20 millions là-dessus que, genre, en gadget de G.I. Joe pour les cops, là. Genre, si, moi, je vais aller m'en acheter du ciment chez Rona, mais là, j'ai ça le podcast, mais t'arranges ça en crise. Ah oui, fais-moi bon, des. Bon, là, ça rentre dans la catégorie de moi aussi, je suis capable, fait que c'est pas de l'or, oui, ça, c'est vraiment fatigant, je veux pas rentrer là-dedans. Mais c'est pas grave parce que moi, j'étais vraiment dans la catégorie de faire des fausses comparaisons qui ont pas tant lieu d'être. Juste pour non, me mais ça dit vertu. Quand même que l'art et le capitalisme marchent main dans c'est la main et ils se crachent chacun dans le trou, tu sais, c'est vraiment... Ils se crachent chacun dans le trou! Oh, pourquoi pas? Ils sont tellement amis! Grosse relation! Effet spécial! Sacrement. Bon, nous, je vais parler. Valérie Plante et son problème d'armes à feu, plus de police. Merci Valérie, bravo. C'est-tu tout pour le Canada-Québec? Ouais. Parfait. Fait que nous, pour continuer notre remontée dans le temps, on va aller prendre un latte en virant notre boule de cristal à l'envers pour voir qu'est-ce qui s'est passé, pour vous rapporter d'autres faits divers. Et on vous revient. On veut café et nouilles. Voilà. L'affaire avec les sphères et les affaires rondes, là. C'est que c'est compliqué de déterminer le dessous du dessus. Fait ouais. On n'est pas sûr qu'on a compris ce qu'on a vu. Là, on mais, a peut-être vu l'histoire sideways. À voir les nouvelles, on se pousse en avance, on recule, mais l'essentiel, c'est qu'on est, on veut café. Voilà, on est revenu, on a du café dans le corps. OK, mais là, avant de passer au sud de la frontière. Oui, parce qu'on va y aller. Parce qu'on va y aller. On va y aller. Ou on va aller aux États. On voulait prendre un temps pour parler de, en tant que communauté. Ah, mon Dieu. De l'événement, genre, so far, peut-être il va se passer d'autres choses, mais so far, dans la communauté queer montréalaise/québécoise, ouais. L'événement de l'année, c'est la Pride, le défilé de la Pride qui est, en guillemets, cancelled. Qui a été, ouais. À la dernière minute, surtout. À la dernière minute. Mais ouais. Moi, pour vrai, pour ouais. Vrai. Il y a vraiment plus de straight que ça a choqué que de queer. Là. Les queer, ils vont dans plein d'autres événements de Pride. S'ils voulaient aller à la marche cette journée-là, ils sont allés à la marche. Une marche comme de où ils ont pu marcher, où ils voulaient, où il n'y avait pas de gros char allégorique de sponsor. Ils étaient bien contents. Moi, j'avais une grosse pensée. Parce que, il faut dire que... J'avais une grosse pensée pour les straight. Non. Thoughts and prayers for heterosexuals. C'est triste qu'ils n'avaient pas leur show de zoologie gay cette année. S'ils lâchent les colis. Je pensais que j'avais été slick, ça. Non, que... on les voit toutes. Genre, tu sais, nous, déjà, partant, on est quand même assez privilégiés. On n'a pas connu les époques où la parade était vraiment pas populaire puis que c'était quand même un challenge de l'organiser. Ouais. Un. Puis, on a un regard assez critique sur ce que c'est la parade de la fierté gay. Là, on est très radical, les radicaux et de gauche. Puis, tu sais, les commanditaires, le fait que c'est un spectacle avec du monde, c'est côté qui l'observe. C'est un peu bizarre. Normalement, ouais, une manif, tout le monde. Tu sais, c'est comme si à la manif de l'environnement, Greta Thunberg puis Justin Trudeau, t'avais juste marché dans la rue pendant que les gens regardaient ses bars. C'est ouais, ça pour ouais. Moi, la Pride. Des ouais, fois, je suis comme le mouvement politique vous passe dans la face puis vous le regardez. Genre, c'est ouais, vraiment ouais. Bizarre. Fait que bon, ça, c'est notre view à nous. Mais tu sais, je pense quand même à des gens que pour qui c'est le highlight LGBT de l'année. Qui se sont déplacés, qui ont loué un char, qui ont construit une patente à gosse pour la Pride, qui ont booké des drags, qui ont hey, name it, là. Tu sais, ça, j'étais comme, c'est un peu de la merde. Mais non, mais oui, c'est sûr, en 9h le matin, tu te fais dire, OK, fuck off. Oui, c'est sûr, c'est plate. Ceci étant dit, moi, tout le monde qui va s'épleurer de « c'est la pire affaire qui pouvait pas se passer, Pride n'est plus Pride, nanana », je suis comme « hey, pour vrai, là ». Parce que là, l'affaire, c'est que moi, ce que je sens, c'est que les gros capitalistes qui ont de l'argent à se faire sur Pride, là, ils ont compris qu'ils pouvaient aller scavenge, puis juste comme faire comme « ah ouais, ça va mal », puis là, tirer leur bout de la couverte pour faire comme… Parce que le truc, c'est que cette année… Puis de plus en plus, puis ça fait longtemps que ça change Pride, mais tu sais, ils deviennent de plus en plus rad puis cool aussi, Pride, puis ils font des affaires le oui, fun. Absolument. Ben, oui, absolument. Justement, moi, une de mes hot takes, c'était Quand ils sont vraiment bien organisés puis capitalistes, on chiale, mais quand ils sont grassroots puis un petit peu chaotiques, genre, ça, c'est un scandale. Oui, c'est ça. Puis je comme, tu sais, c'est une équipe flambant neuve. On voulait une équipe flambant neuve. Bon, après ça, ça a l'air que c'est vraiment plus simple quand c'est là à parade que je l'ai dit sur Crash Torté, je vais leur dire ici. Là, je trouvais que j'étais comme, il y avait-tu vraiment pas d'autre solution, mais comme. Mais moi, les inspecteurs des travaux finis qui sont comme, il y avait-tu pas d'autre solution, sont en train de faire une enquête pour savoir ce qui s'est passé parce qu'ils savent même pas. Mais là, eux-mêmes. C'est ça. Ça, là. C'est genre l'hostie de. Que la ville se mêle de ses hosties d'affaires. Ben oui, puis Tourisme Montréal aussi, puis les commerçants du village aussi. Puis genre. Ils ont donné 20 millions pour un anneau de béton. On va le ramener. Non, mais tu sais, mais, pis tu sais, quand ils disent genre, on a donné tant, vous avez pas donné ça pour la parole, vous avez donné ça pour Pride, le festival au complet, là. J'ai 4 ans. Donner, c'est donner. C'est tout. C'est ma phrase. Tu donnes pas pour avoir ça chialé pour nicher. Non. C'est un don à la communauté, là, c'est pas un sponsorship. Mais oui, tu sais, puis genre, fuck off, là. Moi, je trouve que la limite, cet argent-là, c'est des réparations pour le trouble. Non, puis la parade, c'est là où les gens straight vont, hein. T'sais, les gens straight, ils vont pas sur le site de Pride voir les shows, voir les. T'sais. Fait que genre. Je sais plus ça. Il y a beaucoup de personnes straight qui regardent Drag Race puis qui viennent à Drag Race Superstar. Mais comme. Oui, mais tu sais, c'est l'événement où tu vas avoir le plus de straight, ouais. C'est le défilé, là. T'sais, c'est pour ça qu'on s'éplore aussi. Mais je pense. En tout cas, je pense qu'il y en a un petit peu plus qu'on pense. Honnêtement. Ok, mais je suis pas d'accord. D'accord. Puis. mais. Puis, ouais. Mais c'est ça, tu sais. Moi, à un moment donné, je suis comme. Là, oui, c'est poche. Mais tu sais, je trouve que. Les gens comme overplay l'émotionnalité de la chose alors qu'ils n'ont pas d'investissement juste pour gagner l'espèce de pouvoir se draper dans la vertu de ouais. Dire qu'eux autres ils sont donc choqués que ça se soit passé de même, mais dans le fond ils veulent juste faire valoir leur gros intérêt capitaliste. Ouais. Là. Mais tu sais, comme ça aurait pu juste. En tout cas, c'est ça. Moi, ça fait juste réouvrir la réflexion sur ça devrait juste être une manif comme ça l'a été pas mal finalement cette année. Ouais. Ça, c'est ce qui était l'année passée aussi. Moi, c'était quoi, là? C'était le représentant de la ligue de je sais pas quoi, gay, là. C'était pas... À faire le sport gay, là, mais c'était pas le rugby. Le rugby, c'est nice, eux autres. Ah, les rameurs, là? Non, c'était peut-être les rameurs. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un de représentant de Sport Montréal qui était comme moi, si nous avait averti, nous autres, on aurait pu mobiliser, on aurait pu en avoir assez de bénévoles, on aurait pu les amener. Puis j'étais comme, ah, c'est facile, ça, à dire, calice, là. Oui. Là, toi, t'es après de me dire, t'es capable de ramener 80 personnes, de les trainer en 3 heures, de les avoir ready pour faire se passer un défilé que oui, tu vois. C'est facile de sortir des médias et de dire que t'aurais pu sauver en la shot. En 2012, on disait, le 20 mars, on se retrouve là. Pour vrai? Je sais pas depuis combien de temps, depuis que la saison 4 a commencé, combien de temps on a juste référé à 2012 comme le bon vieux temps, mais on est des vieilles charrues, là. Non, on se passe à trois fois. Genre, il y a 5 minutes. Je sais, mais je pense, pour vrai, on est des vieilles choses. Ben oui. C'est correct. So what? OK. C'est pas une vieille chose, j'ai 34 ans. Moi, j'ai eu 30 ans cette année, c'est difficile à accepter. Oh mon Dieu. Ça reste trop pas, pour vrai, I get that year and that year, là, je suis content. En tout cas, deux choses. La parade devrait être séparée de Fierté Montréal. Je sais pas pourquoi c'est un organisme de festival qui gère ça. Puis deuxièmement, Drag Race Superstar, ça devrait être un show à part. Sortez-moi ça de là, ça n'a pas de style de mon sang qu'il faut tout adapter juste pour ce show-là. Ouais, tout est fait en conséquence de ce show-là. Ouais, Jess, il veut te scinder ça à Pride. Oui, ben, c'était le même avant, j'ai rien inventé. Diversité puis Fierté Montréal, c'était deux choses avant. C'était super le fun, on avait du plaisir. Oui, qu'on était mieux en 2012, en tout cas. Mais non, ça, c'est bien avant 2012. C'est-tu bien avant 2012? Je sais pas. On sait pas. Je sais pas. On sait pas. Pivot, t'as-tu des infos? Papa Pivot fait signe que c'est pas plus ou moins, ouais. On a un shake de main, c'est correct. Je suis content de voir qu'on c'est fait les mêmes choses. C'est pas qu'on a une troisième personne pour être pas sûr avec nous autres, tu sais. OK, fait que là, on est des grandes analystes de politique internationale. Hey, pour vrai, puis surtout qu'on a vraiment bien travaillé à ce que notre épisode de recap soit comme chronologiquement pertinent. Que genre, ouais, on a vraiment fait ça. C'est vrai qu'on... Ouais. J'aime tellement ça le chaos de juste comme... Fait que là, ça va au sud de la frontière. Je pense que la grosse nouvelle au sud de la frontière, puis bon, tout a été dit, là, on va aller quand même rapidement là-dessus. Mais la Cour suprême qui a juste get out of their way, ouais. Qui ont juste décidé de dire « Hey, nous autres, on n'attendra même pas qu'il y ait une cause qui se présente devant nous autres. Ouais. » On va juste décider que Roe v. Wade, qui est le procès qui a garanti le droit à l'avortement, on a décidé que c'est fini. On est allé prendre un café chez Starbucks, on a jasé de ça tout le monde ensemble, puis on a décidé que c'était terminé. Fait que c'est ça. Bon, on est trop choix. On pense que les personnes qui ont un utérus devraient avoir le droit de se faire avorter. Toutes ces choses-là, on les pense. Ouais. Je trouve juste, moi, c'est la seule chose que je veux vraiment dire. J'ai vraiment trouvé que le monde a juste copié-collé l'argument cis-féministe. Ah oui. Genre, c'était les femmes. Point. Ah oui. Point. Ah oui. Toutes les femmes ont un utérus. Ah. Personne d'autre. Ah oui. Fait que, souple tout le monde. Là, on inclut les personnes non-binaires, on inclut les personnes trans, on réfléchit à ces choses-là. Ouais. Surtout dans, quand il y a des grands moments médiatiques de même où tout le monde dit la même affaire, des fois c'est pas mauvais de dire une autre affaire. Non, je sais plus. Mais là, c'est juste que. T'sais... Mais là, c'est sûr, tout le monde et sa mère avait une opinion là-dessus. Là. Mais oui, mais tu sais, puis t'es comme. On dirait. Parce que moi, j'étais comme là, tu sais, à un moment donné, parler de droit à l'avortement, on peut-tu juste. Tu sais, moi, pour vrai, là. Autant d'avortements que les gens veulent tout le temps. Là, je veux dire, s'il y avait des drive-thru de cliniques d'avortement où tu peux te faire avorter dans ton char, ça, les gars, je voudrais que ça se fasse. Je m'en calisse, pour vrai. On peut-tu en revenir sacrament, tu sais? Mais oui, mais. Okay. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, déjà, à la base. Là, ils sont comme si t'es humain. Non, mais mais déjà, je suis plus capable d'en parler de savoir. Puis là, c'est comme à un moment donné, on tourne en rond, là, tu sais. Oui, mais. Mais... Oui, je sais. C'est-tu pas notre hostie de condamnation comme personne de gauche, queer, etc. etc. Je sais. Déjà, on gagnera jamais. Déjà qu'on a été curé d'en parler, puis déjà qu'on a été curé que quand on en passe dans des termes super centrés. Déjà que. Puis moi, ouais. En plus, il y a un truc où, genre, ça se passe aux États-Unis, puis là, t'as des grosses manifs qui se mobilisent super rapidement au Canada, puis je suis comme, OK, mais genre. Je comprends, là, mais les États-Unis, ils sont dans le merde à eux. Là, je veux dire, c'est la première puissance mondiale, puis genre, ils sont le produit de leur influence. Ce qui arrive aux États-Unis arrive au reste du monde. Mais comme, je comprends, puis je comprends qu'il faut montrer que nous autres, on peut pas le laisser se passer ici, mais je trouvais que, tu sais, les gens. Des fois, ça me fatigue comment que les gens sont investis dans la couverture politique des États-Unis comme si c'était ici, puis pas dans, de manière comme actionable à comment on protège ça, comment. Tu sais, genre. Je trouvais que genre on n'insistait pas sur le oui mais nous autres nos lois sont faites de même puis ils peuvent pas pour le révoquer ça prend ça pis ça pis ça t'sais? Ok t'as, ça va être un parfait segue. Ukraine contre Russie. C'est nos voisins vraiment proches. S'ils pouvaient ne pas réélire Donald Trump, un fasciste qui va crisser la marde, ouais. J'aimerais mieux pas. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment, vraiment. Là, ils ont... J'aime ça, Ukraine contre Russie, comme si, tu sais, je veux dire, c'est vraiment la Russie qui rentre dedans l'Ukraine, l'Ukraine qui est comme. Hey. Moi, là, en ce moment, je regarde les sites, puis il n'y a rien qui me garantit que ça arrivera pas ici un jour. Peut-être pas demain matin, on n'est pas rendu là. Mon Dieu, Seigneur. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Oui. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu as compris? Mais moi, je pensais pas que tu étais. Je pensais, OK. Genre, sont proches de nous, les States. Pas l'Ukraine puis la Russie, là. Non, non. Les autres sont loin. Ben, sont loin, relativement, mais. Ça dépend quel bout de la Russie aussi, mais oui. Dieu, Seigneur. Non, non. En tout cas. On se construit un bunker, la gang. Ouais, ouais, c'est ça, tout le monde. Mais non, mais le pire, c'est que Chris, on est aussi bête de se préparer, là. Ça va nous en prendre un bunker. On va tous mourir tout seul. Moi, s'il y a une affaire que j'ai appris de la guerre en Ukraine, c'est que les hosties de filtres sur les photos de profil Facebook, je suis plus capable. Ah oh mon Dieu, ben oui, mais c'est la meilleure façon d'avoir du cloud sans rien faire. Mais, non, mais moi, c'est juste le truc de comme, OK, ton là, point on sur va. Toute cette semaine, non, oui. On a tout simplement besoin de faire quelque chose. Ah, je suis tellement trop cynique, on pour peut-tu vrai. Vraiment, on est tellement obligé, on peut juste avoir du fun. Moi, si la révolution n'est pas le fun, je me lèverai pas à matin. Mais le cynique. Ben moi, je. Tu sais, on peut-tu faire ça? Hey, y'a la guerre. On est tellement obligé, là, mais quand on peut-tu finir la guerre dans le plaisir, là. Moi, les comparaisons Twitter, j'aime pas ça. Fait que je vais dire qu'il y a assez de problèmes dans le monde que je peux pas toutes les régler. Mais je. C'est ça. Je suis un être humain foncièrement de marde. Mais bon, je pense que c'est quand même correct qu'on soit inquiète des États-Unis parce que c'est ça, ils sont tellement powerful que tout ce qui arrive là-bas, faut s'inquiéter. Genre. Non, mais je comprends. Ils sont propriétaires de la culture mondiale. Je comprends, mais tu sais, je veux dire, je sais pas, là, en comparaison, en Amérique latine, il y a juste l'Argentine qui a obtenu le droit à l'avortement en 2021, genre. Ah, ben là, c'est sûr qu'on est très centré sur ce qu'on connaît le plus. Non, j'essaie. Oui, c'est juste qu'à un moment donné, ça me purge un peu que, genre, tout ce qui se passe aux États-Unis, c'est non important, puis major, puis t'es comme, puis on se mobilise, puis comme, tu sais. Meilleur segue, genre, guerre en Ukraine versus Russie. Genre, je veux dire, personne n'a parlé aussi intensément de la guerre en Palestine, la guerre au Yémen, etc., etc. La guerre en Palestine, c'est même pas une guerre en Palestine, c'est juste une occupation générale du territoire. Mais tu sais, puis genre, en tout cas, mais. Tu sais, oui, c'est clair qu'effectivement, il y a beaucoup puis de. Puis là, de... c'est juste comme la guerre en ce moment, puis une guerre oui. médiatique, parce que là, c'est des réfugiés blancs, puis là, et le président ukrainien qui est genre absolument pas. Tu sais, je veux dire, fuck tous les gouvernements des États qui sont. Oui, parce qu'il est pas ça, nice. C'est ça, l'affaire. I'm not rooting for a state anyway, là. Ah ouais, mais lui, il fait bien son pire, là. Il est rendu sur le cover du vote. Oui, c'est sûr, je pense première, au. Mettons, je vais dans l'autre, je pense aux classes ouvrières, personnes queer, personnes marginalisées en Ukraine, mais après ça, le président, moi, c'est pas lui mon idole, là. Non, je sais, mais c'est juste comme, tu sais, comment qu'ils ont réussi à faire leur PR comme un scénario de film américain, genre... Ben, c'est un acteur, là, le Oui, mais je sais, mais c'est l'enfer, en tout cas! De toute façon, tout ça est en grande partie le résultat de... comment j'appellerais bien ça? C'est quelqu'un qui est vraiment fraîchi la prétention des États-Unis qui se pense tellement fort que tout le monde... Je pense qu'il faut les défier le plus vite possible. Oh my god, je peux croire que. En tout cas, on vous a couvert ça à la guerre en Ukraine. On vous a couvert ça à la guerre en Ukraine, tout le monde. Tabarnak. Non, mais c'est fou pareil, là. C'est vraiment juste. Moi, c'est quand ils sortaient partout dans les journaux, genre ces Canadiens qui se sont enrôlés pour aller en Ukraine. J'étais comme, pas le fun, là, gars. Mais ils ont couvert tout. Tu sais, genre, c'est ça, je te dis. Tu sais, t'aurais fait ça pour la Palestine, probablement qu'il y aurait eu un mouvement international, puis ils auraient arrêté ça, puis ça se serait peut-être pas passé comme ça s'est passé. Palestine, Israël. Je pensais que t'aurais fait ça pour la Palestine, genre, moi, je serais parti à la guerre en Palestine. J'étais comme, tu penses que j'ai cette traction, là, que je. Je pense pas que je me serais enrôlé, là. Imagine like a bitch, you could have solved it. Moi, moi y aller, tabarnak, tu vas voir, ça va finir. Non, je pense pas que je serais la bonne personne. C'est ça, je vais aller les whitesplainer. Genre, salut tout le monde, manier, vous expliquer comment vous défendre contre Israël. Non. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. T'sais, s'il y avait eu le même mouvement de dédain international et d'unité, là. Ouais. Parce que la seule raison pour laquelle tout le monde est comme, mais t'es comme, oh my god, c'est surprenant, les pays sont tellement unis face à la Russie. Je suis comme, ben oui, mais c'est parce que c'est l'ennemi commun de tout le monde. Ils ont entendu là-dessus pour être sûr qu'il y avait au moins un point d'accord. Ouais. Puis que pour pas que les États-Unis soient l'ennemi du monde, comme c'était le cas pendant 4 ans, là, c'est-à-dire que Biden est revenu, tout le monde est comme, OK, Joe, là. Les États-Unis sont devenus amis de tout le monde, apparemment. Fait que si jamais vous voulez qu'on fasse du journalisme de zone de guerre. C'est lourd, ces sujets-là, quand même, hein? Mac, là. My God, c'est dur à traiter. Ben, t'sais. Je trouve ça complexe. Je me suis donné un gros défi. Pas grave, si on l'a fait. Bon, on va aller prendre des gorgées de café tout en sautant encore à danser. Bon, on va chanter. Les 12 mois de l'année sont décembre, novembre, octobre, septembre, puis on vous revient over caféiné. Over caféiné qu'on vous revient. Ouais. À tantôt. Depuis quand tu comptes avant de clapper? C'est nouveau, ça? Ben là, c'est quoi, silence sur le plateau? Genre, épisodes, baisser les éclairages, sortir les chandelles? Ça fait deux épisodes qu'on fait avec Papa Pivot, là, laisse une chance. Mais j'avais déshabité, j'ai besoin d'avoir le sentiment d'une routine. Sinon, je suis tout désorganisé, puis je sais plus où je m'en vais. Papa Pivot, c'est le qui? Alors, moi, je vais vous dire une affaire, c'est pas facile. Lâche les effets, je suis plus capable. Oh my god, mais vous dire une affaire là, c'est pas facile aussi podcaster avec des effets puis faire boire un café avec. Tu viens de me faire parler de l'hostie de guerre en Ukraine. Hey, c'était bitch. Pas évident comme segment. Hein? Mais non, mais moi je le savais là, je savais, mais tu sais, moi je te l'ai dit, tu veux vraiment parler de droit d'avortement. C'est trop big pour pas qu'on en parle. Mais pour vrai, on n'avait pas besoin de parler de la guerre en Ukraine parce qu'on a contribué à la conversation. De retour sur l'actualité. On a absolument pas contribué à la conversation globale sur ça. On comme je suis de revenir dans mon cynisme, là, méchant. Ah, si, ben, j'ai plus de batterie pour lire le plat. Fait que. Pas que ça soit... Hey, en plus, ça s'est pas passé avant guerre en Ukraine, ça. Je l'aurais skippé, ma tabarnak. En tout cas. Fait que le pape est venu au Canada. Le pape est venu au Canada, ben, c'est ouais. Excusé au peuple autochtone. En tout cas. Est-ce que c'était awkward, ça, par exemple? C'est peut-être pas ma place de juger ses excuses, mais je pense qu'il y a un consensus pour dire que c'était hypocrite en tabarnak. Ben, tu sais. Voilà. Je trouvais ça juste. Surtout dans le contexte, tu sais, en ce moment, genre, on vient, de, ben, pas nous, là, nous, on n'est pas issus des Premières Nations, mais genre, c'est comme l'année où on a les preuves les plus concrètes d'un génocide contre les Autochtones. Puis là, le pape débarque. Ouais. C'est très awkward. Ouais. Comme dirait Jojo, it's just a little too late. Ouais, genre, where's the money? Ouais. Après ça, bon, l'argent règle pas tout, mais une bonne réparation, là, genre... Ah, puis le Vatican, hey, t'as une... Rendre ces personnes-là financièrement indépendantes à la gang. Le Vatican, ils te font une vente de garage, là, pas mal sûr que... Pas mal sûr qu'ils ont du bâti. Ouais. Donc, merci le pape. C'est ça. Reviens pas, il y a pas de chance, il va mourir avant. Mais non, mais je veux dire, Chris, là, les statistiques à un moment donné, les États-Unis vont nous envahir, le pape va mourir. Les États-Unis vont nous envahir, le pape va mourir. Moi, je suis là, Nostradamus cette semaine. Nostradamus! Tabarnak. Oh my god. Et ensuite de ça, c'est toi qui as le plan. Fait qu'il va falloir que tu guides tous ces segments-là. Moi, je suis perdu, écrit, je suis dans le noir. C'est écrit Harry Styles, le tabarnak. Alors, je suis intarissable à propos de Harry Styles. Si j'ai été interviewé par le journal 24 heures. Vous irez lire ce que j'ai dit. Moi, ce que je trouve un peu plate là-dedans, c'est que... Tu sais, comme, ben oui, c'est une mode, c'est le fun, c'est les queers, les, pas les queers, les straight suffisent, merveilleux, faites vos affaires, on s'en colle. Vous avez toujours fait vos affaires, on s'en est toujours collé ici, je sais pas pourquoi est-ce qu'on est obsédé par ça. Je trouve que, justement, genre, le vrai problème, on devrait être en train de fêter, genre, la montée de la droite, puis Éric Duhaime, qui va peut-être devenir premier ministre d'un matin. Non, ça arrivera pas, mais les États-Unis vont nous envahir. Ah, le sacrament, les mauvaises nouvelles. Éric Duhaime va être premier ministre. Mais... J'avoue, moi, mon problème avec Harry Styles, c'est l'espèce de comme, je veux pas répondre aux questions sur ma sexualité. Non, je veux me présenter de manière super ambiguë, mais c'est ça. Mais moi, à un moment donné, je suis juste comme, pour moi, là, tu fais juste éviter de dire que t'es straight, en fait. Ouais. Tu sais que, c'est comme, puis là, ça devient plus bon pour ses communications en ce moment. Tu sais, on l'a-tu dit dans l'épisode, hein, partie les auto-références, si dans le podcast, on l'a-tu dit dans l'épisode du succès, hein? Que t'as toujours plus de succès quand tu fais ton coming out après le succès. Ouais, mais moi, je pense que là, il est dans marde parce que là, il peut pas faire le coming out parce qu'en fait, il est pas queer. Pis oui, là, oui, ça a l'air de ça un peu, hein. Puis là, il peut pas juste faire comme non, mais gang, je vous ai utilisé pendant un petit bout, mais tu sais, parce que statistiquement, il serait dans son coming out era. Ouais, mais c'est ça. Il est assez big pour ça, là. Oui, c'est ça. Mais en tout cas. En tout cas, ça se passe pas. Ben, puis c'est correct. C'est juste que, tu sais, moi, ça me fait chier les straights qui jouent sur le comme ah, mais j'ai pas à le dire ma sexualité, dans le fond. Je suis comme ben, tu sais, non, mais on comprend tout, là. Surtout dans une époque qui est de moins en moins évidente pour queer people, c'est toujours le fun d'avoir la représentation. On va prendre ce qui passe. Mais en plus, c'était permis de commenter sur un truc. Ah oui, hein? Oui, dans un. Les scènes de un film où je... oui, c'est toujours ça. Vulgaire, c'est tout le temps genre des hook-up ou je sais pas quoi. Là. Puis là, ça va être beau, puis vrai. Là, j'étais comme. Oh my god. C'est sûr que si t'as tapé gay porn puis que c'est la seule fois où t'as vu genre des puis même à ça là, il y a des affaires, tu veux des affaires palpitantes, il y en a là, genre ta gueule là, tu sais juste pas que moi je check gang de la porn palpitante. Affaires palpitantes. J'ai mis ça dans la liste parce que j'étais tellement étonné que le monde en parle puis j'ai décidé d'en parler. La petite robe à Marilyn Monroe au Met Gala sur je sais pas qui Kardashian. Que là, il y a beaucoup de débats, genre, comme quoi... premièrement, qui a décidé que Marilyn Monroe est une sainte intouchable? C'est qu'est-ce qui se passe avec Marilyn Monroe? Pourquoi on capote de même? Il y a trop de gens qui ont des laminés. Ouais, c'est ça l'affaire. Il y a trop de monde qui ont des laminés. Moi, je mets la faute sur les, les cadres de salle de bain. Là. Elle puis Audrey Hepburn, là, ouais. Lâchez-les, tabarnak, ouais. Ouais, mais bon, je pense que Marilyn Monroe est restée plus tempée dans l'esprit populaire. Ouais. Puis, mais genre, en tout cas, puis là, c'est comme c'est sa robe, elle l'a portée, genre, plus personne n'a le droit de porter cette robe-là, genre, c'est quelqu'un de... En tout cas, puis là, ça a l'air qu'elle aurait déchiré. Puis là, ils ont trouvé le tour de fat-shaming Kim Kardashian. Voyons, calice. Diet culture, elle parlait de comment qu'elle a... Oui, elle s'est starvée avant de rentrer dedans. Parce qu'il fallait absolument qu'elle rentre dans sa robe de Marilyn Monroe. En même temps, c'est vrai que c'est un statement. T'sais. Moi, tu me dirais, tu peux rentrer dans la robe... Non, RuPaul, tout le monde s'en crisse, mais qui donc, là? Que ce serait qui, là? Céline? Céline, je me mettrais-tu au régime pour la robe à Céline? Ah, ben on a rentré une robe à Céline. C'est un petit régime rendu où je suis rendu parce que Calice... En tout cas... Non, je ne prends pas ça. Mais non, j'ai pris ma décision. Si jamais là, les gens qui allaient se garager pour me l'offrir, là, non, je ne la prends pas la robe à Céline, merci. Parce que si tu fais ça, ça se peut que les États-Unis nous envahissent. Et que Duhem, c'est quoi mon autre prédiction? Éric Duhem devient premier ministre? Oui, Éric Duhem devient premier ministre, c'est ça mon autre prédiction. Il y avait quoi aussi? Le Canadien en 3. Parfait. OK. Le Canadien en 3. Mon sport favori. Fait d'hiver. Ah, la claque de Will Smith aux Oscars. Ah, la claque de Will Smith aux Oscars. J'aimais ça que les gens étaient pas trop sûrs, genre, est-ce que la joke était tellement mauvaise que c'était correct? Est-ce que la violence, c'est jamais correct? Est-ce que aller régler les comptes pour ta femme, c'est sexiste? J'étais comme, my God, c'est-tu vraiment si deep que ça? Après ça, je suis la première à genre écrire un texte de 800 pages sur une niaiserie, mais ouais. Comme, même moi, j'étais comme, je pense que we're overthinking it a little bit. Là. Il y a eu un moment d'insécurité dans sa masculinité. Il y a comme, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il a ri de la joke. Il s'est rendu compte qu'il fallait pas qu'il fasse ça. Fait que, là, il a paniqué puis il est allé le claquer. Moi, je gâche 100 piastres. Ah ouais? Oui. 100 piastres. 100 piastres. Will, si tu nous écoutes, 100 piastres. J'étais bien fan de toi dans World War Rest. Oui, je suis capable. C'est dur à prononcer. Ouais. Je suis capable. Mais tu sais, comme en tant que tel, je trouve que la joke était pas bonne. Puis en tant que tel, je suis pas absolument contre la violence. Non, mais non, je suis pas, non. C'est ça. Voilà. Mais comme, tu sais, de là, non, ouais. Mais de là à dire, comme, c'est la job d'un homme d'aller au bat pour sa femme, c'est un truc. Non, ça c'est niaiseux. Genre, whatever, là, tu sais. Ceci étant dit, je trouve que, ben, ouais, tu peux répondre à, genre, une joke de merde par de la violence, c'est correct. Yeah. moi, pour vrai, je sais pas, là, si, tu sais, puis je veux dire, nous autres qui sommes souvent chaotiques, qui disons souvent des jokes, tu sais, comme, je veux dire, pas mal, on est déjà allé trop loin des fois sur des affaires pas drôles dans la vie, tu sais, avec... Eh, mon Dieu, c'est sûr que oui. Soit avec moins de maturité, soit, genre, hier soir. Ah oui, c'est ça, tu sais. Oui, oui, oui. Puis, je veux dire, ça vient avec, tu sais, ça peut, genre, fâcher le monde, tu peux te prendre une claque à la gueule, puis, genre, tu sais, c'est la vie. C'est juste que là, c'est arrivé dans combien des moments... de fois on a été raciste envers les Français, je veux dire, je sais pas. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, je veux dire, c'est juste que là, c'est arrivé dans un moment les plus télévisés devant plein de gens au monde. Ouais, ben là, c'est ça. C'est un score, c'est un gros stunt, style let's go. Mais moi, c'était les gens qui étaient comme, sue him, il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait, il faut qu'il, tu sais, ah oui, mais... qu'il souhaitait quasiment d'aller en prison, j'étais comme là. Tu sais, c'est encore un exemple que les faits d'actualité ne résistent pas au test du temps, là. Je veux dire, Harvey Weinstein, là, ils n'ont pas enlevé aucun Oscar, il n'a pas été barré pendant je sais pas combien d'années, il n'y a pas eu un blâme par l'Académie. Ils n'ont pas demandé de s'excuser. Je suis comme... Bon, ouais. Déjà, en partant, c'est des personnes noires qui sont incluses. Fait que, whoop, automatiquement, genre, ces personnes-là sont pires que tout le monde. Ouais. Ça, c'est... Ben, c'est pas un statement que je fais, c'est ce que... Non, non, société... Jess, j'aimerais ça qu'on isole ça, qu'on fasse juste prendre ce voice bit-là puis qu'on le share sur Twitter. Les personnes noires sont les pires. Non, c'est pas ça que j'ai envie de dire. Câlisse. Puis, ben c'est ça, Will Smith, j'aurais préféré en fait que ce soit sa femme qui se lève et qu'il colle ça une claque. Mon ouais. take là-dessus, c'est ça. Ouais. C'est ça. On, ouais. Va, on mettrait les scies, on mettrait Paris en bouteille. C'est tout ça, là, je sais pas. Avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Quoi? Tu connais pas cette expression-là? Oh my God. Toi non plus, papa pivot non plus. Voyons, non, mais plus... Sacrifice. C'est pour ça que je peux pas parler de guerre aussi, je suis entouré d'un culte. C'est tout le temps d'un effet. C'est tout le temps d'un effet. Ok. Mais oui, t'es sûr? Ah oui. Y'a rien de plus drôle qu'un gag qu'on répète 100 fois. Hélène DeGeneres quitte la télé. Hélène DeGeneres qui a crissé son cadre de la télé, il était du temps! Moi, c'est juste le style de mode de genre Jess fait un plan d'épisode, il l'a plus sur son écran. Je fais juste lire des sujets, puis il s'emballe. Je suis comme, oh wow, quelle qu'est-ce bonne idée! Qui se passe? Oh my God! Ouais, si, j'étais comme, ça a vraiment été long entre le moment où tout le monde l'a haï, puis le moment où elle a crissé son camp. J'étais comme, c'est vraiment un long, genre, une longue mort. Ok, mais moi. J'étais comme, pourquoi c'est si long? Mais tu sais, comme, no doubt que, genre, Ellen DeGeneres, c'est fucking toxique comme personne, comme boss, comme... Puis tu sais, je veux dire, je pense que pour rester, genre, en bon état dans ta psyché puis être aussi riche et famous, c'est un challenge. Je pense pas, je l'excuse pas pour ça. Je pense pas que... Mais tu sais, je pense que, oui... le monde des célébrités à LA à ce niveau-là, ils ont toutes pas d'allure d'une certaine manière, tu sais. Mm. Je pense juste que quand c'est une femme non conforme dans le genre, on va être vraiment plus sévère, vraiment plus rapidement, alors que, genre, je suis prêt à dire. Puis je suis pas. Puis c'est ça qui me fait chier, c'est que c'est pas un truc de comme, ah ben, punissez-la pas, c'est une lesbienne, c'est comme non, là, elle a fait ce qu'elle a fait, là. Plus sévère et plus rapide, ça fait 4 ans que ça s'étire. Moi, c'est justement ça. Je suis comme, my God, si normalement, ah ouais, justement, une femme lesbienne, ça aurait été comme le lendemain matin, le show est fermé. Genre, c'est ça, je suis comme, tabarnak. Ah, si, okay. Ça... Parce que c'est ça l'affaire. Genre, Ellen DeGeneres, c'est genre pas loin d'Oprah en termes de fame et de revenus et de public. Ouais. Puis Oprah, c'est genre the record woman of daytime TV forever, genre, unbeatable. Ouais. Fait que, tu sais, genre, c'est clair qu'il y avait des intérêts financiers derrière ça, puis tout, mais je suis comme. En tout cas, ça m'a vraiment surpris parce que c'était. Uh-huh. Puis tu sais, comme en plus, ça je sais pas, mais comme, tu sais, elle avait plus bien aimé le support de la communauté non plus, là, ses affaires avec George Bush, puis tout, là, maintenant, c'était lourd en crise, là. Oh my God. C'était lourd en crise, oh, là. Oh my God. Avec George Bush, genre, la personne qui a volé des élections, puis qui est un criminel de guerre. Ouais. Ouais, après ça, tu peux pas être ami avec grand politicien tant qu'à moi, là. C'est. On va se le dire. C'est correct. On va se le dire. Ouais, ouais. Ouais, y en a pas beaucoup. Non, on aime Manon. Ouais. On aime Manon. Ouais. À part de ça, là. Ouais. On attend que Jeanlin Barrette fasse son comédien Default Twink. Je ne l'aimerais pas plus. Tu peux pas le pardonner. Jamais. Pour finir... oh my God. T'as mis ça dans le plan. Pour finir sur une note légère, le procès de Amber Heard puis Johnny Depp. Oh my God! Oh mon Dieu. Ça là, si vous pensez pas que les choses sont décidées d'avance. Genre, vous auriez dû voir les réseaux sociaux. Genre, c'était insane la campagne de destruction contre Amber Heard. Genre, j'ai jamais vu. Vous auriez dû voir les réseaux sociaux parce que moi, je me doute que nos auditeurs auditrices en ce moment ont jamais entendu parler de ce procès-là, ont rien vu sur les médias sociaux puis sont pas tannés d'en entendre parler. Ça dépend. Heureusement hein? qu'on est là pour ramener la lumière. Moi, j'avoue que j'ai quand même évité très carefully ce. Je trouvais ça vraiment trop déprimé. Profondément, genre, ça. Non, mais j'étais juste comme. Genre, le monde sortait de n'importe quel petit coup, pis était comme, oh my god, regardez ce qu'elle a dit, ça n'a aucun bon sens, pis était juste comme, c'était un mot, genre, elle a dit genre soleil, pis elle était comme, oh my god, elle a dit soleil! C'était l'enfer, genre. Fait que si vous y croyez, ben là, je sais plus, genre, si ça serait comme rewatchable, d'aller regarder les stories sur Amber Heard, parce que là, c'était fini, là, mais. Genre, si on avait pu quantifier ça. Non, mais aussi, genre, toutes les masques avaient trouvé comme une femme qui était pas irréprochable à genre mais fucking. Mais n'importe quel procès, c'est juste que ça, c'est weird, par exemple, les procès télévisés aux States, là. Oui, non, mais ça aussi, t'es dans une celebrity culture qui a absolument pas d'allure, genre, qui devient comme un procès sure, spectacle. Elle a décidé de passer au travers de tout ça à TV, genre, pour te faire pas vrai. Non, c'est ça. Puis juste, c'est juste comme, ben oui, là, c'est une femme qui a été victime de violence conjugale qui est pas irréprochable. Puis là, c'est comme, ah, genre, ça pas donne. Irréprochable. C'est quasiment comme un sous-entendu. Ben, c'est tout le temps la même chose, le sous-entendu de, ah, t'es pas irréprochable, tu le méritais. T'étais-tu saoul? Non, non, non, tu sais, c'est tout le temps le même pattern. Ouais, ouais, t'étais-tu sous, t'étais-tu ça? Non, ben là, peut-être que. Ah, oh, t'es habillé comment? Là, c'est ça. Là, ils ont pris Amber Heard. Mais c'est ça, le procès t'as même pas commencé. Il a traîné dans. Ben, of course. Là, en plus, c'est Johnny Depp. Mais moi, je suis juste comme là. C'est toujours bien rien que le doute de Pirates des Caraïbes, tabarnak. Là, comment ça vous êtes investi émotionnellement? Le monde, même? Là, straight, place Johnny Depp dans, comme nous, on place Meryl Streep, là. C'est ouais. Un grand acteur. Il a fait Edward Scissorhands. Il a fait whatever. Le monde trippe sur Johnny Depp, c'est ça l'affaire. Nous autres, on s'en calisse, mais genre, il est A-list celebrity, là. Ah oui. Puis tu sais, comme, il a repogné des bookings, il a fait des shows, je sais pas qui, j'étais comme, fuck off, ça détruit pas la carrière de personne. Ah ouais, non, il était dans Arlette, lui aussi. Pour vrai? Non. Oh my god. Oh my god, si j'étais comme, pourquoi je sais pas ça, c'est donc bien weird. Ah, speak up! Hey, j'ai eu peur en esti. Ah, c'est tellement bon. Qu'est-ce que tu voulais dire sur le fiasco des passeports? Ah, je voulais pas en parler. Mon Dieu, bon. Je voulais l'enlever. Fuck le fiasco des passeports. Ben, j'ai juste vu le fiasco des passeports. J'étais comme, ben, c'était long avoir un passeport. Je faisais juste prendre là. Des notes sur ce qui s'était passé dans le passé. Puis j'ai juste noté toutes les grosses affaires. J'étais comme, ok, le fiasco des passeports. C'est le fiasco des passeports. Je voulais aller en Ukraine. J'ai pas pu. Pourquoi il y avait la guerre puis pas de passeport? Elle se serait enrôlée, par exemple. Elle pensait qu'elle pouvait changer les choses. Elle est pas cynique comme moi, Jess. Hey, Jess, là, elle a la flamme. Elle va y aller. Vaincre Vladimir Poutine. Oh my god. Fait que c'est ça. Pour vrai, genre. On a-tu d'autres dans notre sac de chips? On a-tu d'autres chips? Jess versus Poutine avec un gun. Ah non, mais sérieux, là. Il fait pas peur à ce qu'il fait. Il fait pas peur à son ours. Même money, ils ont Vladimir Poutine. M'a pas les oligarques à la gang. C'est clair que Vladimir Poutine tire du gun mieux que toi, là. Chris, je sais pas. C'est un ancien espion du KGB, Carlis. Je sais pas s'il s'est tiré du gun. Je me demande. Actually, il a réussi à prendre le pouvoir en Russie. D'après moi, là, ah il a des capacités. Ouais, ouais. Ouais, je l'ai pas moins pour autant, mais il non, s'est probablement c'est... tiré du gun. Ouais, non. Il a des astis de bonne chance. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mettons quel. quel dirigeant, mettons, tu penses que tu pourrais outdo en tirage de gun? Oh my god, je sais pas. C'est Justin Trudeau, il a gagné son combat de boxe, fait que là, il fait peur. Ouais. Sinon. Tabarnak, là, t'es rendu que tu rotes sur deux fifs. Donald Trump est incompétent dans tout ce qu'il fait. Je suis sûr que dans un duel, genre, on commence dos à dos, on marche 10 pas, on se retourne, puis on se tire, je gagne. Ouais. Je suis sûr. Ouais. Je suis sûr. Moi, pour vrai. Je suis tenté d'essayer pour le prouver, mais genre, on peut pas. C'est ça. Sinon... Tu n'as pas quelqu'un, tu voudrais te ben mettre là, en duel juste, avec. Là, je faisais juste me demander, ça rentre-tu dans menace de mort des affaires qu'on n'a pas le droit de faire, dire, qui je pense que je pourrais battre dans non, un combat un duel fictif, là. Tu sais, tu peux te dire. Oh, c'est correct, c'est pas grave, j'ai pas besoin. C'est ça. Tabarnak. On est déjà Donald Trump, il nous écoute pas, là. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit Donald Trump, il nous écoute pas. Hey, comprends, ben pas français, là, ben correct. Ça m'étonnerait bien gros. Parfait. Bon. Et c'était tout pour notre épisode cette semaine. Merci Lémon d'avoir été à l'écoute. Merci l'année 2022 d'avoir qui c'est d'avoir riche en émotions. Oui, de to be giving. Là. Oui. Hey, c'est ça. Ça en est passé des affaires. Hein, ça donne le goût d'arriver à 2023. Ouais. Vous nous direz si vous voulez un petit coverage de 2023 encore quand on revient. Par année. Quand on revient à saison 5, si on est rendu votre podcast d'actualité wrap-up oui. Bye-bye préféré de l'année. Là. Oui, sur la première chaîne de Pivot. That's it. Fait que parlant de pivot, merci Papa Pivot. Merci Papa Pivot. À la console et merci à notre monteuse. On a ça, nous autres, maintenant. J'en fais plus, moi. Fait que merci à notre. Merci à notre monteuse, Marie-Hélène Frenette-Assad. Merci les Moons. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux qui ont de l'allure en tapant le chiffre 2, FIF avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire chardin par la police des mœurs. 2 FIF le matin en un mot. That's it. Sur Instagram et aucun autre réseau social, j'ai abandonné toute autre plateforme. Quand on dit tous les réseaux sociaux qui ont de l'allure. Là, ben, on a parlé d'une page Facebook, mais il se passe absolument rien. Mais vous, tu sais. Ben, plus personne sur Facebook. Si c'est Ying, y a-tu quelqu'un? Ben, dis pas ça. Il y a du monde over 35 ans qui nous écoute. Puis eux autres, they're having a time. Il y a du monde de moi que je vois, genre. Plus jeunes que moi, ils sont pas si jeunes que ça. Je suis vraiment actif sur Facebook. Je suis comme. Non, mais, You're alone. Ouais, mais pour vrai, moi, j'ai pas encore. Je publie plus rien sur Facebook. Je suis pas arrivé à délaisser complètement parce qu'il y a trop de contenu cringe de qualité. Oui. Bitches be cringe. Ben oui. Ah, bitches be cringe. Ok, prochain épisode, on fait une revue des moments cringe sur Facebook. On fait juste des revues. On est un podcast de décompte. On va donner. C'est quoi la chaîne YouTube Mojo, là? Qui font des top 10 à semaine longue. That's it. On va devenir comme eux autres. Mais c'est juste qu'il faut revitaliser le concept. Là, ça va. Là, c'était le fun, les invités. Puis genre, les sujets de communauté. Mais maintenant, on va juste faire des épisodes. On est rendu. Sérieux de politique internationale. Et OK. Fait que c'est ça. On vous prépare tout ça. C'est beaucoup de recherche. Fait que à la prochaine semaine, les mecs. Ouais. À la prochaine semaine.